astigmaté, hypermétrope. J'suis même pas précis aux 7 mètres, va les couilles. J'fais que claquer la gâchette sur les 20, y'en a une qui finira dans sa ganache, à coup sûr. Payday, le 31, c'est 40 briques qu'il a pris le PD. Donc flambant neuve, nouvelle BMW, en occasion. Et si j'fais ça, c'est parce qu'il y a 100 balles de côté. Ouh bah, j'passais la mop, dans des pioles qui plus exhalaient la clope. Forcément, ce fils de pute de patron, il a fait le parallèle avec Orelsan. Sauf que moi, je portais un tablier, on disait je faisais un boulot de bonne femme. Les bonnes femmes dans le ménage, elles t'enculent, vieux bonhomme. Une cam dans ta room, t'es mort la semaine qui suit. Ta vieille trogne de macho qui se fait face fuck par un twink. Bloody on my ink. C'est pas étonnant, je pissais du sang au-dessus du sink. 6 ou 7, 65 pour le RN sans peine. J'en mets 3 dans le pruneau à la manière de Madeleine. Le gros porc de l'archer sur son trône au bûcher. La salope de Jordan, je la mets sous 3 MMC. Toute ma vie résistance, bébé, j'ai fait que de la lutte. Mais je vois encore trop nazi dans mon public qui me suce. Ma culture n'est pas la tienne, fils de putain. Je suis qu'un prolo PD qui a fait la pute pour butin. Génération TikTok, Matrix, c'est par la droite. Mineur ou pas, tu mérites de te prendre une gauche. Que des petits zizi. Bon qu'à coller des affiches à 5h le matin, protégé par un berger allemand. J'ai hâte que ça pète pour baiser du collabo. Mes sœurs auront la tondeuse pour leur femme sous collagène. J'ai pas choisi un camp, sale pute, je suis né dedans. Donc cache bien ta capsule de cyanure sous la dent. Une mort de petite salope à l'effigie de leur partie. Dans 30 ans, bande de chaînes, on vous rafle sur un parking. Quel bonheur pour nos anciens et l'honneur. On ressort les fusils. J'aime bien quand mon Joe, mon boy, bouge les fesses sur des sons de boss lady. Freakity, quand sa barre devient grosse dans le geekies. Mon top boy pour ma semaine, Denis. Fait mouiller la chemise, il prend tout même ma. Merde, c'est mieux, je donne pas tous les détails. Ça nous a déjà considéré comme du bétail. Rosa Winkel sur mon nouveau designer. J'suis un PD armé, bébé, j'suis Pink Pistols. Hein? Pourquoi t'as peur? C'est le fait que j'ai vidé une bouteille en moins d'une heure? Dis-le moi pourquoi t'as peur? Est-ce mon attitude tendancieuse ou la taille du Winchester? J'me suis vu donner les codes à mes frères. Presser la détente, m'enfuir de ce monde. Deep throat le putain de canon d'un 12. Mon cerveau sur le plafond en une fraction de seconde. Même avec ses beaux yeux, elle suis pas à la Joconde. Flat bat bébé, ça fait trembler la berline. Kickback, kickback, le 19 il est terrible. Des berries dans mon gobelet, des agrumes dans ma fumée. Cale de verre pomme dans le jean, pain huilé. Je ressemble à un cliché. Le photographe veut son cliché. Non. Ça me dérange, je vais pas finir dans tes fichiers. Je suis déjà trop affiché. Des 9h bourré au lycée. Cette fois c'était white trash, j'ai repeint les orchidées. L'humiliation, c'est ça qui fait toujours des résistants, des combattants. L'humiliation.